station rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial This Is. C'est reparti pour une nouvelle soirée avec This Is, de retour du Bataclan hier soir. Comment ça va, This Is? Très très très bien, merci. En pleine forme et merci à tous ceux qui se sont déplacés hier pour ce concert. Ouais, merci pour ce Bataclan complet. Vraiment, je remercie tout mon public, tous mes narbis d'être venus, tous mes kamikazes. Vraiment, vraiment, vraiment, je vous remercie. Et moi, j'ai promis de pas trop te poser de questions parce que tu veux maintenir le suspense sur cette tournée. Bah oui, tu sais. Donc, on va pas trop en parler non plus. C'est ça. Voilà. C'est que mes concerts, c'est un moment particulier. Et j'aime bien, si tu veux voir ce que ça donne This Is en concert avec Danny, Dave Devry et Manu Dien, ces deux-là, La Lumière, tout ça, il faut que tu viennes en concert. Voilà, sinon. Tu vois, sinon, ça sert à rien d'en parler. Ça sert à rien d'en parler. Parce que c'est moins bien, en fait. Alors que quand tu viens, t'en peux plus. Bah, vous pouvez réagir aussi, par contre, nous dire ce que vous avez pensé de ce concert si vous y étiez hier soir avec le hashtag This Is sur Skyrock. Il est avec nous entre 20 et 21. Un petit point sur ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, on avait Mad avec nous. C'est ça, Mad. La jolie Mad. Pour la première fois. Qui rayonnait. Et ouais, exactement. Qui était magnifique. On a fait des titres en live, on a fait Miskin, on a fait Spiral, et puis Petit Coin de Paradis. Ah, tu vas réécouter un peu de ce qu'on a fait ? Allons-y ! C'était hier soir. Avec This Is et Mad, coup d'envoi du live. Je voulais une console, je voulais la Neo Geo, ou bien une Game Boy pour jouer sous le préau. Je voulais un Walkman Sony jaune avec des piles. Je voulais un V501, je voulais un vrai jean. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous l'entendez, sa petite voix Mad là? T'as vu ça? Waouh! On est toujours vivant, c'est pour tous les miskins. Les miskins, celle-là c'est pour les miskins. Eh hey, mais on a chanté juste hein. Ah c'était super juste. Ouh, écoute ça Asile. Le mal de ce monde mais tu peux pas le conquérir. Là aussi c'était juste alors hein. T'exploses, crotter des noirs comme Grace Jones. Tu veux la vie en rose, en rose, en rose. Cette vie j'y comprends que dalle. Et je tourne en boucle en spirale, spirale. Non elle a trop une belle voix. Non vraiment elle a trop une belle voix. Elle est en plein. Et je tourne en spirale, spirale. Ce soir je vais rester chez moi. Et il y avait aussi ça en live. Petit Coin de Paradis produit par Dave Devry. Et je vais rouler dans la ville un petit. Il y a que lui qui fait des produits comme ça. Ouais, incroyable. Du périph, mon petit coin de paradis. Didi, didi, didi, didi, didi, didi. Dis-moi si tu l'aimes. Ah didi, ah didi, ah didi, ah didi. C'est le remix de Raled. Dédicace à Atef. Ouais, on disait. Non, on disait que voilà ce qui s'est passé un petit peu hier soir pour la partie live dans l'émission. Et puis les auditeurs de Skyrock, ceux qui ont récupéré ton album Translucide, ont pu voter hier soir. Et ont voté aussi aujourd'hui. On vous dévoilera le titre qui a été le plus demandé de ton album. Hier, c'était Khadija. Gros morceau aussi de l'album qu'on a passé hier soir. C'est vrai. Bref, c'est vrai. On a passé une bonne soirée et on remet ça ce soir. Incroyable. Exactement. Mais ce soir, ça va vraiment être fou. Ça va être fou? Ah, ouh. Ça va être fou. Fou. C'est-à-dire que fou, c'est encore au-dessus. Ouais, ça veut dire qu'on va faire kamikaze en live. Et ça, c'est chaud. Et bah, si on le mettait déjà avec la version album. Eh bah, vas-y. Allez, c'est parti? Eh bah, vas-y. This Is, c'est extrait de Translucide. Je pense qu'à la fin de ce morceau, ce sera du grand n'importe quoi. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser, te faut un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Couplet. Tu dis que ton patron c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais. C'est pas ce qu'il te cache, c'est que ses supérieurs lui font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot, donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine, tu contiens ta haine comme un kamikaze, tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça, tu veux pas danser? Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Saute pas, saute pas. Doucement, doucement. Saute pas, saute pas. Eh saute pas, saute pas. Du calme, les gars. Non, saute pas. Non. Là, tu sautes pas. Là, saute pas, tu saute pas. Tu sautes pas. 1. T'as envie de te barrer comme un haut danois. Tu veux prendre un billet pour Yokohama. Mais t'hésites depuis Fukushima. T'as pris trop de temps, du coup tu restes chez toi. Comme au McDo, tu veux pas lâcher le steak. Tu t'accroches à ton taf, tu t'accroches à ton chèque. On est des kamikazes. On est tous givrés. On saute en concert pour pas le faire en vrai. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, refrain. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça t'as pas envie de danser? Et mon cul c'est du KFC. Hein? Et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC. Je suis un peu zinzin. Narbi, Narbi. Narbi, Narbi. Narbi, Narbi. Je suis un peu zinzin. Avec ce morceau Kamikaze, tu nous l'as promis en live ce soir, ce morceau. Voilà. Je me demande si tu vas pas regretter. Ah bah non, j'espère pas. Ah bah okay. Donc ce sera à pas louper tout à l'heure, This Is, yes. Avec cet album qui s'appelle Translucide, qu'on continue à découvrir cette semaine entre 20 et 21. On l'a dit, voilà, album important pour toi, puisque c'est la fin d'une trilogie. C'est ça. Avant d'attaquer... D'autres envies, un peu. Et tu l'as en tête déjà le prochain projet ou quoi? Ouais, je l'ai en tête, je l'ai en tête. Ça va être un album très très rap. Très très très très rap. C'est vrai? T'as, le nom, t'as le nom de l'album ou pas encore? Oh bah tiens, je vais le dire comme ça, on pourra pas me le prendre. Bah magnifique. Il va s'appeler Rap Machine. Oh là là. Exclu, attention, exclu total. Je vais l'appeler Rap Machine. Le prochain album de DC s'appellera Rap Machine. Voilà. Putain, ça j'aime les exclus comme ah ça. Bah c'est une vraie de vrai. Ça là, vraiment c'est vrai. Mais t'as commencé à l'enregistrer, non ou... Non. Non. Oh, tu m'en demandes un petit peu trop. Un peu trop. D'accord, attends. D'accord. Je vais pas insister. Donc voilà. Donc loupez pas Rap Machine, mais d'ici là il y a quand même Translucide, ouais. Qui est un album important. Il y aura une grosse tournée qui va t'emmener pour là. Qui est déjà commencé, ouais. Et je vais il y aura faire, le Solid Days au mois de juin, ouais, notamment. Plein de festivals, Papillon de Nuit, les Nuits de l'Erdre. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je... Alors, on sera à la Défense, c'est quel jour? Ah bah oui, bah voilà. Avec IAM et je sais plus qui y a d'autre ce jour-là. Enfin voilà, bon en tout cas si on va sur thisis.fr, on a toutes les infos. On appuie sur concert, c'est simple. Et là on a tout, toutes les infos. Mais la prochaine date c'est le 27 mars à Lille. À Lille et le lendemain, à l'aéronef. Du côté du Havre. Au Havre. À pas louper thisis en exactement. Tournée. Dans un instant, il y aura une petite question pour repartir avec l'album dédicacé de thisis, comme yes. Pratiquement tous les soirs. Ok. On va essayer de pas l'oublier. D'accord. Et on va mettre un morceau. Alors ça c'est le morceau qui a été le plus demandé aujourd'hui. Ok. Tu veux dire un mot sur celui-ci, c'est Rap Genius? Eh ben, Rap Genius, comment vous dire? C'est un morceau que j'avais dans les tripes depuis très très très très très très très très longtemps. C'est pour moi une performance et c'est... je sais pas comment dire en fait. C'est, tu sais, avec toutes les expériences que j'ai faites en musique, certains disent « Ouais, mais DC, il rappe plus, tout ça, il sait plus rapper, tout ça et tout. » Donc pour être très honnête, ce morceau-là, c'est pour fermer des bouches. Et j'ai réussi à fermer des bouches, je les ai cousues même. Donc voilà, c'est juste un MC qui se la raconte, et qui parce que ça fait partie du rap, bah oui. Et qui montre qu'il est extrêmement très puissant et qu'il faut pas trop venir sur ses plates-bandes. Mais c'est un en peu même ça. Temps, donc c'est un peu c'est une aide quelque part quand on dit « DC, il rappe plus, machin, etc. » C'est une motivation, tu es toujours dans la compétition. Bah non, parce que... Oui, je suis toujours dans la compétition en tant que rappeur, mais j'essaie de dans ma compétition de proposer autre chose. Tu vois, un morceau comme Love, par exemple, prend le risque sur l'album, sur l'album qu'on a passé. Donc Translucide, ouais. Qu'on a passé hier soir. Et ben ça, pour moi, c'est un challenge très très important parce que j'aborde des sujets d'une manière, voilà, qu'on n'a pas trop l'habitude de, faire ça dans le rap. Tu vois. Donc la Rap Genius, c'est un long morceau. C'est un long morceau, mais c'est du classique. Ça kick. Voilà. Et les gens aiment bien ça. J'ai vu que les gens aimaient beaucoup ça. Et ben si on le mettait maintenant. C'est parti. This is Translucide. Et demain vendredi, il y aura une soirée spéciale Rap Genius où on va faire 20 minutes de freestyle Rap Genius de fou. Wow. Ah, mais demain c'est fou. Mais ce soir aussi, donc restez avec nous. Ouais, tout est fou.

aveugles comme des cyclopes borgnes, font des coupes gorges au destin et rêvent de compte offshore. Je fais partie de ces MC qui se sentent obligés. Je réponds à l'amour comme le sida sans me protéger. Je fais pas d'oseille sur la misère, leur rap est fratricide. Mauvaise influence sur les frères, ont oublié que par ici on te monte en l'air et te descend du bout des doigts comme une chaise de bureau. Donc j'envoie du love, c'est ma part du boulot. Donne-moi mes lettres de noblesse, donne-moi mes props, motherfucker. J'ai mérité cette oseille, donne-moi mon chèque, motherfucker. Donne-moi mes lettres de noblesse, donne-moi mes props, motherfucker. J'ai mérité cette oseille, je sais quoi en faire, motherfucker. Je vais tellement tous les crever, croiront que leur nom de famille c'est RIP. Si c'est le nerf de la guerre, je ferai pas de l'oseille, je ferai du PIB. Mon style de rap est prohibé. J'ai trop d'idées, je suis pas trop intelligent. C'est juste toi qui es trop teubé. Ils disent d'ici c'est du rap intello. Eux ne font que des jeux de mots. Les initiales MC chez eux, ça veut dire maître Capello. Des punchlines caramba, tous convaincus que c'est bien. Avec vos jeux de mots tout naze, des MC Patrick Sébastien. Rappeur débile dans ma ligne de mire, c'est ma bataille de balle, y'a pas de basse et d'aide. Et de rap en rap, c'est de pire en pire. J'ai pas une barre pour rien, j'ai pris du poil de la bête. Des rappeurs solo, j'ai la force d'un groupe. Pendant que tu les bois, moi je mets des coups. Prends soin de ma sape, soin de ma coupe, prends soin de ma femme, soin de mon couple. Et je fuis le succès, je sabote mes propres recettes. Tu le savais pas, maintenant tu le sais. Je suis qu'une nuit prêt à tousser. Plus rien à cacher, je suis détaché. Dans le sens et je n'ai plus de tâches. Je me suis fâché, autoclashé, je ne suis plus en otage. À tous les étages, le building brûle, putain j'ai la rage, une bulle. Revenu comme Jordan, au Chicago Bulls. Maintenant les gars me calculent, damn. Ah mais là ça devient trop, ça devient trop, ça devient trop vulgaire. Je suis obligé de couper. Bah c'est ça, je suis désolé, ça devient voilà. Et tu sais que mon... la suite sur l'album. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est vulgaire. Mais tu te rends compte, mon premier tube. Tu peux te comprendre comment c'est vulgaire. Ah ouais, c'est. C'est vrai, en plus. Mais ça fait partie du peu rare. Mais ça fait partie. Et c'est comme ça. En même temps, je pète les plombs. C'était un bon storytelling, comme exactement. Tu dis. Une belle petite histoire racontée par DC's avec des mots crus, mais bon qui sont les mots, même, les mots du quotidien, quoi. Quand même, il y a eu 7 minutes de kickage de fou là. Ah, de dingue. Rap Genius, là, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Ah, bah c'est ça. Ah, là, ça rigole pas. Bah, c'est ça. Tu le fais en concert celui-ci au moins, on peut savoir ou... Ouais, ouais, non. Ouais, ça oui. Oui, je le fais. C'est fou. C'est dingue. Ce qui se passe dans la foule à ce moment-là, c'est fou. Très bien. Bah, allez voir d'ici cette prochaine date, le 27 mars, du côté de Lille. On va revenir dans un instant avec le freestyle par téléphone. Et puis après, on attaquera aussi ton live. Ok. À pas louper ce soir, une fois de plus. Ok. Avec les musiciens, il paraît qu'il va y avoir. Le ouais. kamikaze et que ça va être vraiment ouais, dingue. Ouais, c'est ouais. Et c'est bah bougez pas. La suite du Planet Trap de d'ici, c'est après ça. Jusqu'à 21h, c'est Planet Trap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Et on attend. Planet Rap spécial DC's. Et on attend de mettre un petit son avant de retrouver DC's sur Skyrock dans Planet Rap. Pharrell Williams avec les Daft Punk, c'est maintenant sur Skyrock. Sur Skyrock. Whoa, whoa, whoa, that's a lot. You listen to Skyrock. Comme toi, This Is a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est This Is notre invité entre 20 et 21 avec d'autres invités qui sont dans le studio, comme vous pouvez l'entendre aussi un petit peu. Mais tu sais pourquoi rigoler? Non. Parce qu'il y a un mec, il a mis un tweet, donc quand l'album est sorti, il a dit mon morceau préféré de l'album Translucide, c'est Terre. Tu sais, c'est l'intro. C'est l'intro. Il fait 30 secondes, il n'y a pas de parole, pas de musique. Trop fort. Trop fort. Bon, dites-nous quels sont vos morceaux préférés. Le hashtag DC sur Skyrock, ça arrive. Kamikaze, hein, qui a dit ça? Kamikaze en live? J'ai entendu Kamikaze en live. Kamikaze, t'inquiète. Et ben, ça arrive dans un instant. Juste avant, je te présente quelqu'un de Clichy-sous-Bois, c'est monsieur RDJ. Allô? Allô, Fred. Ça va bien, RDJ? Ça va et toi? Bah ouais, il y a DC's avec nous. Salut, DC. Salut. L'album s'appelle Translucide. Toi, tu viens rapper dans l'émission? Ouais, c'est ça même. Et ben, on y va, c'est l'heure du freestyle par téléphone, RDJ. Clichy-sous-Bois, yes. On t'écoute. Oui, style. On est là. DC's. Allez, pêche l'album. Yes. Ok. Hey. On t'a pas demandé ton avis. On prévois rien, mais pourtant celui-là on l'a vu venir maintenant. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Je me verrai plus au top quand je perdrai l'usage de la vue. Il fait la vague, mais il n'entend pas les relais. Il a du RBG à fond dans les oreilles. Y'a Titi à la soirée, donc elles se font belle. Tout est nul, les charclos, les fouillères, pour se plonger dans la belle peau. Flip, flap, plus puissante, grosse retournette puissante. Atmos glaciale, le peur à 32 vitesse qu'il est puissant. Sorte de combat, DJ Kassé bar. J'avoue qu'ils sont marrants, je n'aime ta mère et puis ma tsunami. J'arrive en sous-marin, ils sont pas sûrs d'eux. Moi le grand je l'ai, j'fume les concurrents, j'ai l'âme conquérante. Car les grands je l'aime, ils sont déconnectés à du hostile. Branchelet, il a du flow lui, et un beau style. Rosenet, que RDJ, Dina, MITE. Si t'entends du bruit vers là-bas, c'est que c'est là que j'avais ITE. Là où c'était facile pour moi, j'vois que mes ennemis luttent. Ils iront pas loin, donc sont en double filo. Au dépose minute, attends, j'continue. Ma de la concu a grossi, ils devraient maigrir de jalousie. Mais là, j'les ai en gros. Il avait pas envie de rester. Il me dit qu'elle coûtait trop cher. Il m'a manqué de respect. Il s'est grindé direct et décroché. Ok, RDG bon à l'instant. Bon flow, il est bon. Merci, RDG. Bon flow, bon flow. Bon flow pour de vrai. Merci à toi, RDG. Merci, c'est cool. Y a on pas peut de te retrouver, file les adresses, vas-y, balance les dédicaces, ouais, on t'écoute. Voilà, bah nous c'est Hostile avec Frimo, Neuf Roues. Donc HOSTYLE sur Facebook. On a un Twitter aussi, pareil, HOSTYLE. Et moi c'est RDG Dynamite. Je passe un gros big up à Frimo, Neuf Roues, Famsi, Ous, on est là. Eh ben ça roule, merci à toi en tout cas pour ce soir dans l'émission. Et bon courage pour la suite D6, toi qui as connu d'ailleurs toutes ces années de rap français et tout. Et même pour revenir en 2009 avec D6 The End où t'en pouvais plus, t'étais saturé. Est-ce que là tu prends du plaisir? Est-ce que t'entends des choses bien? Est-ce que tu aimes le rap français en ce moment? Ouais, bah tu sais, en fait. Ah bah c'est bien qu'on parle de ça. Ah. Parce que non, vraiment, en fait. Ce que j'aime en fait dans le rap français, c'est qu'il est toujours en vie. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, le rap, c'est comme le rock. Il y a plein de styles. Dans le rock, il y a du heavy metal, de la country, tout ça et tout. Et le rap, c'est pareil. Tu vois? Et au début, quand c'est arrivé le rap, donc on va dire fin des années 80, début des années 90, en France, c'était l'émission à chipper, à choper, tout ça. Il y en a qui pensaient que ça allait être un phénomène comme la tectonique. Tu vois, la tectonique, ça a duré 6 mois, 1 an. Ça est arrivé par la danse, et c'est vrai qu'après, une fois que c'était plus sur TF1, ça a continué à vivre. Il s'est passé des choses. Exactement. Et le rap français, il est tellement là. En fait, la semaine où je suis sorti, dans les 14 premiers, il y avait 7 groupes de rap. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que la moitié de la musique, et en plus, les 7 autres, il y avait des artistes internationaux. Donc en France, la musique qui vend le plus depuis 15, 20 ans, c'est le rap. C'est le rap. Non, c'est une réalité, t'as raison. Et t'as raison de le préciser. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'albums qui sont classés haut. Et de plus en plus d'albums en même temps qui trouvent le public. Exactement. Ce qui n'était pas évident aussi à une époque. Exactement. Et en fait, moi, sur ça, je suis content. Après, si on regarde en détail, il y a forcément des choses que j'aime moins que d'autres. Mais je m'en fiche. Tu vois, moi, je suis là pour le rap. Pour le rap français, mais qu'il soit bien varié, qu'il soit bien diversifié, et il y en a pour tous les goûts. Bon, et c'est ça qui est fort. Là, t'es heureux en tout cas. Je suis trop heureux. T'es trop pas content. Saturé, t'es avec nous, tu fonces. Non, bien sûr, je continue. Maintenant que j'ai fait Rap Genou, je peux me la raconter. Oui, c'est vrai, tu peux te la raconter. Ouais. Même d'ailleurs avec le morceau qu'on va balancer maintenant qui s'appelle Fuck les problèmes. Ok. Tu peux aussi te la raconter en même temps. Bien sûr. Bah alors, tu veux que je t'en parle un peu? Bah oui, il y a eu des images d'ailleurs sur Fuck les problèmes. Oui, il y a eu un clip. Il y a eu un clip. Exactement, qui est fait par Morgane. Et qu'on peut trouver sur Internet. En fait, faut que les problèmes, je savais, tu sais, parce que j'ai utilisé un effet qui s'appelle l'autotune dedans, et je savais que certains allaient dire, oh, mais pourquoi d'ici, il fait de l'autotune? Attends, mais il a pas le droit, tout ça, truc. Bon, bref. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que l'autotune, c'est un effet de voix. Tu vois, par exemple, là, il y a un effet sur ma voix, on appelle ça une compression. Oui. Tu vois? Et par exemple, si je parle et qu'il y a un effet écho, on appelle ça une réverb. Oh! Trop fort! Alors Fred, t'es chaud. Tu me demandes. Bon. Tu me dis. Et ben voilà. Et ben après, m'en demande pas trop non plus. Et ben l'autotune, c'est un effet. L'autotune, c'est un effet qu'on met sur sa voix. Vu que beaucoup l'ont utilisé dans un certain style, on a l'impression que c'est un effet qui n'appartient qu'à un style de rap. Mais c'est un effet de voix, donc tout le monde peut l'utiliser. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre des paroles profondes, on va dire, et sensées, et utiliser des codes d'une musique où on fait pas trop de textes sensés avec cet effet de voix là. Et moi je trouvais ça intéressant de faire ça. Et bon, on va l'écouter maintenant pour ceux qui connaissent pas encore ce morceau, c'est Fuck les problèmes. C'est ça. Et on le retrouve sur Translucide. Pour certains c'est la weed, pour d'autres c'est la bouteille. Des compagnons de nuit vie, des compagnons de BNP. Pour certains c'est la vie, pour d'autres c'est la bouteille. Des compagnons de nuit, des compagnons de belle. Personne comprend rien parce que personne vit dans ton crâne. Mais y'a toujours quelqu'un pour te dire non pas comme ça. Tu contrôles plus rien, t'es à fond dans l'archétal. Y'a toujours un engraîneur pour te dire viens on fait ça. Tu te dégrades de jour en jour et de nuit blanche en nuit blanche. Tu crois plus en l'amour, ton seul langage c'est la violence. Personne ne le sait mais y'a des raisons à tout ça. Et c'est trop lourd à porter et pourtant tu le garderas pour toi. Oui, oseille, fille, bouteille, stress, ego, haine, problème. Enfin j'arrête, j'ai problème. Donc demain j'arrête. Ouais c'est ça j'arrête. C'est sûr demain j'arrête. Enfin j'arrête peut-être. Tu veux juste te remplir et peu importe avec quoi. Chasser ces mauvais souvenirs juste en claquant des doigts. Ce soir comme hier soir tu céderas à tes démons. Tu détestes les problèmes et encore plus les solutions. Tu dégrades de jour en jour, je fais de nuit blanche en nuit blanche. Tu crois plus en l'amour, ton seul langage c'est la violence. Personne ne le sait mais y'a des raisons à tout ça. Comme c'est trop lourd à porter, comme d'hab tu le garderas pour toi. Oui, oseille, fille, bouteille, stress, ego, haine, problème. De la main. Un jour j'ai tout balayé, j'ai appelé les miens. C'est vrai, je leur ai dit que je les aimais. J'ai dit fuck à tous mes ennemis. J'ai affronté mes problèmes, l'ego et le déni. En tête de mon top 10, la fierté et la honte sont des sœurs jumelles. L'une t'éblouit, l'autre fait de l'ombre. Coincé dans un tunnel, pendant que mise des illusions dans des bouteilles en verre, te fournit des munitions pour tirer sur tes rêves. Et tu tires sur des joints jusqu'à assombrir le ciel. Juste le temps d'un son, fuck les problèmes. Fuck les problèmes à l'instant avec This Is. Et je rappelle que live de ce morceau que tu nous as fait, c'était lundi. C'est ça. Lundi soir dans l'émission. C'est ça. Et toujours dispo sur skyrock.fm, sur leplanetrap.skyrock.com. Allez le mater. Vous allez voir en plus cet effet avec l'autotune dont tu parlais. C'est ça. Qui est joué en live, que tu fais en live dans l'émission. Vous pourrez voir les images. Exactement. Sur skyrock.fm. Ce morceau, il m'a été inspiré par, tu sais, j'ai fait des interventions avec l'association Fujo. Ouais. En prison. Donc avec Mouloud. Mouloud. Souris, voilà. Et donc l'Hashtag Academy, en fait, ils ont fait un projet après qui est sorti qui s'appelle l'Hashtag Academy. Ouais. D'ailleurs, vous les avez reçus pour ce disque. Mmh. Et en fait, bah, en allant en prison, donc dans ce milieu carcéral, j'ai rencontré pas mal de gars, en fait, qui étaient en prison. Et ce morceau, il est directement inspiré par ça et par des interventions que j'ai fait aussi en foyer socio-éducatif. Et voilà. Donc je voulais parler un peu de certains problèmes. Et voilà. C'est quoi, c'est des petits moments de vie que tu remets dans les morceaux. C'est ça, en fait, c'est une espèce de. Tu sais, il y a plein de mecs de quartier qui ont mon âge aujourd'hui, qui sont alcooliques, dépressifs, Tu vois, c'est comme si le mot, en fait, le mot dépression, c'est un mot qui fait peur, en fait. Comme ouais. si ça faisait pas partie du quartier. Mais il y a plein de mecs dans les quartiers qui sont dépressifs. Bah ouais. Tu vois. Et ce morceau-là. Et puis en plus, c'est... malheureusement, c'est une maladie, donc c'est aussi quelque chose qui, et puis heureusement aussi quelque part, qui soigne. Ouais. Donc, voilà. Exactement. Mais voilà. En tout cas. Je souhaitais à tout le monde. Ce morceau-là, pardon, il parle de tout ça. C'était mignon, ce morceau-là. Ce morceau-là. C'était le Nord, d'un seul coup, exactement. Je te voyais. C'est ton côté Picard. C'est mon petit côté chic. Morceau-là qui ressort. Alors, fais quoi, parrain? Alors. Ah ouais, ton petit côté Picard, bah, il est là. Hein. Moi, je suis fier de la Picardie. Il est là, bah, tu as bien raison. Les champs de betteraves. T'es d'où, toi, d'un Picardie? En fait, d'Amiens. En fait, Amiens. Je suis né à Amiens. Dans la Somme. Voilà. Voilà. Voilà. Ouais, mais le vrai village, c'est Grugny. Si tu veux qu'on aille au bout du bout, c'est Grugny à côté de Roy. À côté de Roy. Ah bah oui. Et bah voilà, donc D6, hein, pour tous ceux qui sont du côté de la Picardie, qu'on salue. C'est un compatriote. Tous les Picards. Bon, on va saluer aussi Dave Devry qui est là. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir, Dave. Bonsoir, Fred. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir à Manu qui doit être à tes côtés. Manu à côté de moi. Comme j'ai vu, bonsoir tout le monde. Et j'allais dire Danny Dan, mais Danny. C'est l'autre. Non, c'est Danny Sainté. Salut. Ça va bien, monsieur Danny Sainté? Ça va et toi? Eh bah écoute, il est temps de t'équiper maintenant. Et de c'est parti? Ah bah oui. Ouais, je vais le faire. Pourquoi t'es pas prêt là? Si, moi je suis né prêt. Oh! Oh! Bien, ah ouais, celui-ci, bien, non, bien. C'est bien. Celle-ci était très bien. Ouais, c'est pas comme ouais, Ikea. C'est ça. Non, là, c'était très très bien. Très bon niveau, là. Et ben, on peut y aller. Session live maintenant dans Planète Rap. Les images, pareil, hein, seront dispo d'ici une petite demi-heure sur le skyrock.fm ou peut-être même avant d'ailleurs, planetrap.skyrock.com. Vous verrez des images de ce live. Quand vous voulez, messieurs, c'est parti. C'est parti. Live. Avec le micro en l'air, Moïse en live. Se sépare en deux, dis-moi avec qui tu es. Et qui t'es. Dis-moi qui tu es. Sorti du ring, y'a de ça de trois piges. J'ai vu mon art, sans les dire, je l'ai vu mourir. Je vois mon rap, je vois la jeunesse souffrir. La belle époque du game n'est plus qu'un lointain souvenir. La plupart des MC tentent de se nourrir. Et beaucoup d'entre eux sont devenus tout pourris. Je parle pas de flow, mais les pauvres sont pourris par les sous. Font des choix, par défaut le rap est sur les genoux. Le mythe du Vaudor, je me sens comme Moïse. Touché en plein cœur dans ma banlieue en pleine nuit. Sous la lune grise, là-haut sur ma colline. Je les regarde gigoter autour d'un feu de pacotille. Un trône au-dessus des flammes, un totem en cuivre. Que les MC acclament le nom de leur dieu, c'est le bif. Soudain un buisson s'embrase, je vois les quartiers brûlés. Des frères s'entretuer pour du bif mal calculé. La cité a perdu la tête, décapité. Les rappeurs parlent de capitaux, on a tous capitulé. Quelques résistants, trop médiocres pour être efficaces. C'est plus que du rap, je reprends sa place. D'ici le micro en l'air, j'écarte la mer, la foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui tu es. Qui t'es. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer, la foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui tu es. Et qui t'es. Dis-moi qui tu es. Y a trop de clash entre le rap et la et le situation des calamités. Y a trop de clash et trop de clans et trop de fantasmes, alors qu'on vit tous à peu près la même réalité. Mon rap n'est pas politisé, je ne vais pas positiver une situation qui ne cesse d'empirer. Frérot, je peux te faire rêver, je peux te faire gaulerie, je peux te faire pleurer, je peux faire pire. C'est bien un truc que je ferai jamais. C'est te mentir. Il n'aura pas changé ma vie, il peut changer la tienne. Tu peux changer de radio, tu peux changer de chaîne. Question de valeur, tu peux changer des chaînes. Une chose est certaine, tu changeras jamais le ciel. Et comme Ophélie, Dieu m'a redonné la foi. Pourtant j'ai pas des gros seins et je suis à moitié Renoir. Je me sens comme Moïse, la France, je vais lui ouvrir sa mère. Je vais lui faire un enfant. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que j'y vis, j'y souffre, j'y rêve. J'y pleure, j'y crie, j'y crève. D-I-S-I-Z, je reprends mon rôle, je reprends mon règne. Viens faire tampon pour ceux qui saignent. Je viens changer les règles, le game avait ses règles. Il n'enfantait plus, le rap est orphelin. Il m'entendait plus. Il m'entendait plus. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer. La foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui tu es. Qui t'es. Qui t'es. Qui t'es. Qui t'es. Qui t'es. quitter. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer. La foule se sépare en deux. Dis-moi avec qui tu es. Et qui quitter. Dis-moi qui tu es. Un salaud de pauvre. Un CDISIZ. Oh. La main au-dessus des yeux comme la visière d'une casquette. J'observe l'horizon avec raison, je m'inquiète. Marx a eu la vision, a raison, tout s'achète. Ça suffit plus la voiture, la maison ni l'assiette. Hein, on peut vendre du vent, regarde les éoliennes. Les banksters engrangent l'oseille, chaque zéro millième. Une mort états-unienne, CIA requiem. Au Chili, en CI, en Syrie, en série. BHL en Libye, la chienlit en béchamel. Naïf quand j'étais petit. Je rêvais devant Disney Channel. Maintenant on pleure devant les infos. On en redemande comme des nymphos. En moi se joue une lutte entre un agneau et un faux. Voir où j'ai au pays des bleus. Donc ma colère est mauve. Je vis à ma condition. À jamais un salaud de pauvre. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Sans le pauvre. Kamikaze, kamikaze, kamikaze. Ok, ok. Obligé de me lever pour ce morceau là. Un nouveau morceau. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser deux fois, un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Tu dis que ton patron c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais pas ce qu'il te cache. Et que ses supérieurs lui font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot, donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine tu contiens ta haine comme un kamikaze. Tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça t'as pas envie de danser? Et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est un Mac Chicken. Et mon cul c'est du KFC. J'suis un peu zinzin. J'suis un peu zinzin. J'suis un peu zinzin. Kami, kami, kami, kaz. Kami, kami, kami, kaz. Saute pas, saute pas. Saute pas. Oh, eh, vas-y, bordel, Skyrock. Wesh, ça va pas ou quoi? Comment ça? T'es fou ou quoi? Ah, mais là, tu peux pas? Saute pas, saute pas. Tu nous vois ou pas? Saute pas, saute pas. Eh, on te prend pour une merde, on te regarde pas. T'es comme les maths au collège, on te calcule pas. On m'a tellement rabaissé que je pète un câble mental kamikaze. Je me la raconte grave, je suis le meilleur rappeur du monde. Jusqu'à un peintre avec des mots. Pascal. Heureusement que j'ai une go. Pour toi. Et que je crois en Dieu. Hey. Qui peut tester ma famille. Hey. Qui peut tester mon public. Hey. Combien de fois j'ai pu faire du blé. Combien de fois j'ai pu tous les doubler. Je fais les tubes quand je veux. Fais chier le matin. Alors parle bien, mais des petites quintins. Les MC m'entendent dans la goutonne. Ils font de la poudre aux yeux, ils ont la poudre au nez. Tellement trop toi sont fait goudronner. Tous ces rappeurs auto-couronnés vont se faire goumer par des croûtes grenées. Sont fait couronner. Fait dans le rap, je suis un peu dieu donné. Je suis le plus pompé, mais je suis le moins nommé. On m'écoute en secret, tu crois qu'on sait pas. De qui tu t'inspires, tu recycles, tu crées pas. Méfiez-vous que je dise pas vos blases. D-I-S-Z, kamikaze. D-I-S-Z, kamikaze. D-I-S-Z. Tu es un peu zinzin. Ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, c'est fini. Mais sur la caméra, on a vu que mon boule, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Sayonara, sayonara. Faut que je lève un peu le pied avant que je me prenne un platane. J'aimerais pas yonner, c'était mon SOS chétane. Je suis à deux doigts du burn-out, à deux doigts du craquage, ma tête est trop étroite. Je suis à deux doigts. Tu crois que t'encaisses mais t'encaisses pas. Et tu continues à faire des trucs que t'aimes pas. Ouais. Tu vois tu joues le jeu mais tu gagnes pas. Ouais. Tu dis toujours ça va mais on sait que c'est pas vrai. Il faut une grosse pause, un gros stop, un abandon de poste. Quelques potes, un bon spot, des rires non-stop. Je sais pas, change de job, change de life, change de contexte. Cette fois un nouveau plan, un nouveau concept. Tout le monde. Changement de programme. Tout le monde. Programme. Dis-le. Ah bah voilà. Jaloux, les sas ambiances, les rabat-joie. Ça. Si t'as pris un crédit pour en rembourser un autre, ouais, on peut le dire, tu t'es mis dans la merde. Pour une baguette et du lait, tu payes 130 euros d'achat. J'aimerais prendre ton manche et le monter en l'air. Pourquoi j'entends plus les critiques que les compliments? C'est ferme-la. Ferme-la. Même dis gentiment, tu pètes un cap, tu deviens exécrable. Comme une envie de casser des tables, là tu sais que c'est grave. Il te faut une grosse pause, un gros stop, un abandon de poste. Quelques potes, un bon spot, des rires non-stop. Je sais pas, change de job, change de life, change de contexte. Il te faut un nouveau plan, un nouveau concept. Changement. Programme. Tout le monde. Programme. Trop timide. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça. Jaloux, les sas ambiances, les rabat-joie. Ça. Dani. Dani Santé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Ah ben. Son Twitter, c'est Dani Santé. Oh, oh, oh, oh. Celui qui fait pas le refrain, c'est un gros bouquin. Ok, ok, ok, ok. Changement de pro. Sans ambiance, les rabat-joie. Allez, ma manigance, Dani Santé, Dave Debris, Johan, Bornipo, Attic, Cédric, Quentin, tout le monde, Nico, ok, Atef, ouais, on est là, on est chaud, poil au doigt, poil au dos. Sayonara. Runa. Chopa. Sayonara. Oh. Les gros haineux, les sales ambiances, les rabat-joie. Sayonara. Bravo. Bravo. À l'instant en live. Quel live. Et vous avez pu vérifier, voilà, en voyant les images, que son cul c'est pas du KFC. Je suis désolé, tu sais. Il fallait que je fasse celle-là. Tu m'en vois pas? Ah non, mais attends, pour ceux qui ont écouté qu'à la radio, il y a eu un moment incroyable. Dani Sainte et DC, vous êtes monté sur la table. Est-ce que quelqu'un avait déjà fait? Dis-moi que non. Non. Ah non. Sérieux? Le premier. Voilà. J'aime. Tu es le premier. J'aime, I like that. Premier. I like that kind of shit. Premier sur la table de Planète Rap. Bravo. C'était magnifique. Et puis t'as une sacrée équipe derrière, hein, franchement. T'as vu? Non, ah, j'ai vu des sacrés danseurs, hein, des gars qui hésitent pas. Hein. Ouais, il y en a un, il est chaud avec des cheveux de ouf. On dira pas son blaze, hein, mais il est chaud. Elle est très chaud, il est bouillant. Elle est... Il est bouillant. Bon, ben merci pour ce live, merci pour cette soirée, This Is. Merci à toi. Et puis, bon, on se revoit demain. Attends, on va faire tourner ensemble la roulette. Ah, d'accord. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Avec Yacine Dalloun, c'est bien ça, Yacine Dalen. Ouais. Pardon, bienvenue, je te présente This Is, notre invité. Salut, This Is. Salut. Ça va bien, Yacine? T'as envie de gagner quoi, toi? Les places. Eh ben voilà. Bah ouais. Ok. Captain America, dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti, Yacine. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case. C'est. Eh ben voilà, c'est la totale 5 places de ciné pour Captain America. Merci. Bien. C'est pour toi, Yacine. Merci. Petit dédicace à passer, petit message? Ouais. Dédicace à toi, Hélène, Chaouet, Perrière, à mes potes Younes, Saïd, Antoine, Mamouche. toute la clique. Eh ben merci à toi Yacine, passe une bonne soirée. Merci à This Is. Merci, merci. Merci à Danny Santé, merci à Dave Devery. Et Manu. Bonne soirée. Et Manu qui était. Manu Dias. Non, il a dit chaud de la baguette. Que t'es un chaud de la baguette. Voilà. Bah merci, merci Fred. Bah de rien, c'est ce que je pense. Je t'entends pas, mais c'est gentil. Voilà, tout est dit avec le cœur. Merci This Is, demain merci. Le retour. Ouais, en direct. Demain, c'est Rap Genius. Une grosse soirée pour la dernière à pas louper. Demain, c'est chaud. Et ben, merci à vous tous. On va retrouver D-Fool maintenant. C'est l'heure de la radio libre. Et ouais. Ciao. On est là. Yo. Merci, This Is. Merci, Fredo. De rien. Le rendez-vous demain. Demain, 20h, 21h. Le à pas louper. Et ben, c'est le dernier de la semaine en plus. Et oui, déjà. Et ouais, faut être là demain. Attention. Comme les semaines passent vite. Exactement. Faut en profiter. Profitez bien du Planète Rap de demain, 20h, 21h. This Is à retrouver. Et Fred, évidemment. Gros Planète Rap cette semaine et grosse radio libre ce soir, attention. Bah oui, coup d'envoi. Ah ouais, attention, accrochez-vous ce soir, jusqu'à minuit. Toute l'équipe est arrivée, tout le monde est là. Et presque, je vais faire l'appel dans un instant. Oui. Et ouais, j'entends un rire gras. Est-ce que j'ai entendu le rire gras et mystère? Parle bien toi. Ah, et parle bien toi aussi. Et parle bien toi, oui. Que je crois reconnaître. C'est de moi. De sa douce voix. Il est là. Oh gosse. Il est là l'animal. Ça c'est pas il un indice, beau gosse. Il est là la bête. Il est là. Nous aussi, ça tombe bien là. En chair et en chair. En chair, ce soir. Oh, j'ai reçu Rick Ross cet après-midi. Il a le même bidon que Cédric. C'est pas vrai. Ouais, tu es plus costaud que moi. T'es sérieux toi, quoi. Non mais je parle du bidon. Il y a un truc. Non, il y a un truc franchement. Il est beau ou pas? C'est un style aussi, hein, Marie. Rick Ross. Gros rappeur américain. Ouais. On a enregistré un Planète Rap cet après-midi avec Rick Ross. Très bien, nouvel album de Rick Ross. Oui, qui s'appelle Mastermind. Ouais, numéro 1 States. Ouais, exact. Très bien. Mais donc, c'est vrai qu'il y a une similitude. Eh bien, on le big up Rick Ross. Hi Rick Ross, the Cedric, American Cedric. C'est ça. Yes. T'aurais dû me dire, Fredo, je serais venu. Ah bah, les deux dans l'ascenseur, ça passe pas. Hein. Ah ouais. Voire même dans l'étage. Ah ouais. Ça passe pas non plus. Mais tiens, il y a Samy, tu trouves pas? Ah non, mais gros, mais il est balèze, hein, c'est un truc de ouf. Mais dans le bidon, il y a un truc. Ouais, il y a un truc, ouais. C'est vrai que il y a un début pour Cedric, quoi. Un peu le Rick Ross blanc. Il manque plus que la barbe. Le Rick Ross du 9-3. Bon, bah Rick Ross, bientôt dans Planète Rap alors. Ouais, bientôt. Et d'ici demain soir, juste avant 20h, ça démarre. Nous, c'est parti jusqu'à minuit. Radio Libre, si vous voulez débarquer dans l'émission, vous savez comment ça marche. 01 53 40 30 20, vous nous appelez. Vous nous laissez vos messages sur le 41-759, sur les applis Skyrock. Sur le skyrock.fm, vous faites péter les réseaux sociaux. On arrive tout de suite, Fredo. Coup d'envoi, allez-y, comme vous voulez. La radio libre. Dans combien de temps, Cédric? Ouais, je sais pas, j'ai pas l'écran là devant. C'est pas additionné. Allez, dans une minute trente maximum, on arrive. C'est marqué en gros. À tout de suite. Ciao. Ciao.